Prenez garde, bonnes gens, aux trompettes du jugement, car si loin n'est pas le temps où sonneront dans le vent. Cachez trompettes d'argent, Dieu vous sera indulgent. Car sa trompette est en or et résonnera encore quand les vôtres délaissés tintamarres auront cessé. Prenez garde, bonnes gens, aux trompettes du jugement. Entendez les bonnes gens sonner déjà dans le vent. Bientôt sonneront plus fort pour un nouvel âge d'or. Bientôt sonneront plus fort pour un nouvel âge d'or.